L'actualité à Nancy et ailleurs. Bonjour Jérémy, aujourd'hui vous êtes avec nous pour nous parler de votre association de quartier, la Bande Abonnée. Tout d'abord, présentez-vous et dites-nous en quoi consiste cette association. Bonjour Lilian tout d'abord. Nous, on est là, l'association donc, de la Bande Abonnée. On est une association qui est principalement autour du Parc Bonnet. Le Parc Bonnet, c'est un tout petit parc qui est au fin fond de Boudonville, c'est-à-dire à l'angle de Scarpone et de la route Boudonville. Donc c'est un parc des familles. Et en fait, ce parc des familles avait besoin clairement d'être redynamisé. Tout simplement, en fait, pendant le Covid, tout s'est passé pendant le Covid, comme quoi des belles choses aussi ont été faites en termes de communauté pendant le Covid. On se retrouvait là avec à la fin de l'école ou également dans nos balades d'un kilomètre. Et en fait, avec d'autres parents, on voyait une maison un petit peu abandonnée, où il n'y avait vraiment plus de vie, une très belle maison qui appartenait à la mairie. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on serait bien à faire un café là-dedans, on serait en terrasse, on pourrait échanger avec tout le monde. Donc on est parti clairement de ce projet-là en se disant, on va monter une asso pour justement redynamiser cette maison et puis également faire plein d'animations autour dans ce parc et également dans le quartier Boudonville. D'accord, donc ce qui vous a poussé réellement à créer cette association, c'est la volonté de tisser un lien entre les différents membres de votre quartier et la convivialité est vraiment mise au centre de l'attention ici. Vous avez des projets à nous présenter, par exemple le 21 mars prochain, une animation est prévue, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait, on fait tout un catalogue d'animations. Alors on a le 21 mars, donc la Grande Lessive. La Grande Lessive, c'est une réunion nationale, une animation nationale, qui a lieu tous les ans avec un thème. Aujourd'hui c'est le thème des bulles, donc c'est des fils qui sont mis dans le parc ou également dans la rue, et c'est en collaboration avec l'école Boudonville et avec l'école. Donc les enfants font des dessins sur le thème des bulles et vont l'exposer dans le parc, et également il y a des petites balades, des petites promenades autour de tout ça. Et donc ceux qui sont intéressés pour rejoindre cet événement, est-ce que c'est possible et comment est-ce qu'on fait ? Bien sûr, c'est possible. C'est possible donc au niveau de l'école, donc tous les scolaires donc sont concernés. On a également un atelier qui va avoir lieu ce dimanche de 10h à midi, qui va donc pour préparer la grande lessive, mais dans le sens préparer, c'est-à-dire dessiner, avoir des petits conseils, etc. Donc c'est animé par nous dans la belle verrière de la Maison Bonnet, qui est dans le parc Bonnet. J'ai vu ça. Donc le dimanche 17 mars, un atelier pour préparer cette grande lessive. Si on veut vous retrouver des informations sur l'événement, où est-ce qu'on peut le faire? Alors sur tous les événements, on est plutôt bien achalandé parce que nous avons donc une newsletter si vous inscrivez, donc si vous nous envoyez un petit mail sur notre One Messenger sur les réseaux sociaux, donc on a la newsletter, on a également nos pages classiques internet sur les réseaux sociaux Insta et Facebook, et puis on a un site internet également, vous tapez la Bande Abonnée Boudonville dans Google et vous allez directement tomber sur nous. Et bah super, il y a différents moyens de vous rejoindre comme on a vu, différents moyens de s'informer sur vous. Vous avez cet événement-là qui arrive le 21 mars prochain, on l'a vu, mais dans le courant de l'année, vous avez sûrement d'autres événements à nous présenter. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir ? Alors, on sort tout juste de carnaval. On a fait carnaval samedi dernier dans la maison Bonnet, dans le parc Bonnet, avec un beau DJ, une belle animation et une belle fête pour tous. Ensuite, on a la chasse aux œufs le 31 mars, donc de 9h30 à 10h30, qui arrive vite. Et également, on a un projet, si vous souhaitez justement nous rencontrer hors événement, on va dire, on organise le 13 avril un apéritif dans la verrière de la Maison Bonnet, justement, pour nous rencontrer, pour échanger. Si vous avez des idées, également, on va mettre des post-it d'idées pour qu'on nous laisse, justement, ces idées-là. Et puis ensuite, on a le calendrier classique de toutes les années qui va s'enchaîner, avec à partir du 17 mai le café associatif. En fait, on monte un café éphémère dans le parc Bonnet de 16h30 à 20h30 qui aura lieu tous les vendredis du 17 mai jusqu'au 30 juin. D'accord, je vois. Donc cette association très conviviale, comme on l'a dit, est basée au quartier Boudonville. Donc si on veut la rejoindre, c'est via vos réseaux sociaux, votre site. Est-ce qu'il y a d'autres manières de vous contacter ? La meilleure façon de nous contacter, c'est de nous rencontrer. Donc venez à nos événements et clairement, c'est beaucoup plus sympa d'échanger en plus en réel. Alors, on est une association de quartier, on a 60 membres adhérents. On a également un système qui est un petit peu différent des autres assos, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau. On a un système de comité collégial, c'est-à-dire qu'il y a 15 places dans le comité collégial où justement tout le monde a la même parole, le même poids pour justement voter, échanger, amener des idées, etc. Donc si vous voulez également nous rejoindre dans le comité collégial pour justement apporter toute votre expérience vécue, idées, on est totalement ouvert justement pour accueillir également des nouveaux membres. Est-ce que vous avez d'autres suggestions, des choses dont vous aurez aimé nous parler à propos de cette association ? Alors nous on a la chance d'être dans un quartier qui est très diversifié. En fait, le constat également qu'on a fait au tout début, c'est qu'on est sur un quartier qui est multiculturel et multi-âge. Je sais plus exactement le nom, mais c'est donc on a une mixité qui est très forte, et en fait on souhaite vraiment apporter ça. On travaille très bien avec l'école, on travaille très bien également avec la partie de la résidence autonomie pour justement créer des événements pour qu'on ait justement ces mixités avec des personnes âgées, avec des personnes plus jeunes, etc. Et on souhaite également toucher un peu plus les étudiants, et on a la chance d'être avec la FEV, que vous connaissez sûrement, la FEV, oui. Donc l'association d'aide aux étudiants, dans les mêmes locaux, parce qu'ils sont installés donc avec nous dans la Maison Bonnet. Et donc n'hésitez pas également, si vous êtes étudiant, à venir nous voir aussi pour justement apporter également votre dynamisme. Très bien, et bien si vous souhaitez les rejoindre, rendez-vous directement au quartier Boudonville. La bande d'abonnés sera vous accueillir, peu importe votre âge, si j'ai bien compris. Tout et à fait. Merci beaucoup, Léon. Merci beaucoup, Jérémy. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.